Bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp, ayant pour titre « Où est passé Dieu? » Est-il dans la salle? Dieu seul le sait. Alors, je me présente comme intervieweur Charles Villeneuve, homme d'affaires. Bonsoir, François Martel, éducateur physique. Bonsoir, Jacques Dussault, homme d'affaires. Daniel Kemp, conférencier. Où est Dieu? Oui, pas assez dit. Je suis allé l'an dernier, la veille du coup d'État, à Haïti. Puis, je pensais qu'il était là. Sur tous les taxis, sur les autobus, c'est marqué « Jésus est là, Jésus nous aime, Jésus nous attend ». Puis, en même temps, il y avait des mitraillettes qui tiraient tout le monde. Puis, je l'ai cherché pas mal, Dieu, dans ma vie. Je ne l'ai jamais trouvé. En tout cas, il n'est pas chez nous. Je me suis demandé si c'était une grosse farce qu'on s'était fait raconter. Il ne semble pas être là où on en a besoin. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il est là où on n'en a pas besoin? Il pourrait être là où on n'en a pas besoin, vu qu'on n'en a pas besoin. Il est supposé être juste et bon, donc peut-être qu'il amène la bonté. C'est intéressant, parce que ce que tu dis présentement, c'est un peu comme si Dieu se devrait d'être le serviteur de l'homme. Donc, il devrait être là quand on en a besoin, puis il devrait ne pas être là où on n'en a pas besoin. Bien, un peu comme la femme de ménage. Elle fait le ménage où c'est propre, si c'est pas mal niaiseux, elle devrait le faire où c'est sale. Oui, mais si c'est propre, c'est peut-être parce que la femme de ménage le fait, le ménage. Donc, peut-être que Dieu a fait sa job, donc il est peut-être là. C'est pour ça que ça va bien, théoriquement. Donc, ce serait un demi-dieu? Non, ce serait un Dieu à temps plein pour ceux que ça va bien, et puis un Dieu à temps partiel, vraiment partiel, pour ceux que ça va bien, mais mal. Mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, j'étais assez jeune, j'étais dans un pet shop. Je ne dis pas que j'ai rencontré Dieu dans un pet shop, il ne magasinait pas. Mais je regardais des poissons avec un de mes amis. On devait avoir à peu près 11-12 ans. Ben, il y a un homme qui approche et qui commence à nous dire « Rick, c'est beau, vous ne trouvez pas que c'est beau? » On dit « Oui, effectivement, on regardait parce que c'était beau. » « Pensez-vous que la nature a pu créer ça tout seul? Le hasard? Hein? C'est la preuve, cette beauté-là, qu'il y a un créateur. » C'était un... je ne sais pas de quelle secte. Et puis, il était en train de nous parler de Dieu. Puis là, moi, j'étais là, oui, mais là, il me disait, oui, ça, regardez les couleurs, puis la beauté, puis la force. Je dis, oui, mais, puis, là, hein, c'est un créateur qui a fait ça. Puis je dis, oui, mais. Puis là, finalement, la femme qui s'occupait du pet shop est venue le mettre dehors. Puis là, je me suis retourné vers mon ami, puis je lui ai dit, mais, c'est des piranhas qu'on regarde. Puis ça, il faut les nourrir avec les poissons rouges qu'il y a là, tous les jours. Paf, bouffe, bouffé, tu es mort. Puis l'autre, il m'explique que c'est Dieu qui a créé ça. Il a créé des carnassiers tueurs. Hein? J'étais en Amazonie, là, puis quand tu vois un bœuf descendre dans le fleuve Amazon, où c'est au début, près de l'Ucayali, c'est quand même assez mince, bien, le bœuf, il ne sera jamais de l'autre côté. Parce que Dieu, les créatures de Dieu, s'arrangent pour le buffet. C'est pas un Dieu végétarien, tu vois. Alors, effectivement, on peut se poser souvent la question où se trouve Dieu, parce que dans les pays sous-développés où j'ai été, à peu près sur chaque autobus, chaque taxi, sur chaque maison, attachée avec des clous, on a des bannières. Dieu nous aime, Jésus est là, Jésus est avec nous, lisez la Bible. La majorité ne savent pas lire. Bon, peut-être d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils affichent ça, c'est peut-être des affaires qui ont eu pas cher, puis ils ne savent pas ce qui est écrit dessus. Mais en tout cas, plus on rencontre de souffrance chez l'humain, plus il croit en Dieu. Puis moins on rencontre de souffrance, moins ça croit en Dieu. C'est assez original parce que normalement, plus ça va mal dans vos vies, moins vous devriez y croire. Puis plus ça va bien, plus on devrait y croire, tant qu'à croire. Alors, le miracle arrive, mon enfant se fait frapper, mais finalement il guérit en 3-4 jours d'un polytrauma. Je peux me permettre de croire en Dieu. Mais je prie, je vais à l'église sans arrêt et pouf, j'ai plus d'enfant. En tout cas, moi, ça m'a, à un moment donné, je l'ai un peu. M'anesthésié. C'est une épreuve. C'est ça. C'est là, les gens disent, c'est parce qu'ils veulent t'éprouver. Tu n'avais pas assez de foi. C'est ça. Bon. Je me suis dit, quand je vais être père de famille, est-ce que je vais pouvoir éprouver mes enfants comme Dieu m'éprouve sans aller en enfer? Parce qu'apparemment, que si vous faites à vos frères et sœurs ce que Dieu vous fait, vous allez aller loin, mais en enfer. Parce que lui, il tue, lui, il rend malade, lui, il vole. Lui, il drogue. Lui, il promet, il ne tient pas ses promesses. Ben, c'est une théorie que j'amène là. Peut-être qu'il tient ses promesses. C'est d'ailleurs pourquoi on n'entend jamais rien promettre. Bon. Parce que tous ceux qui parlent au nom ou à la place de Dieu. Parce que le dernier que moi j'ai entendu parler d'un passage intéressant, ça a été le Nazaréen. Depuis ce temps-là, c'est juste du répétage qu'on fait depuis 2000 ans, puis c'est des transcriptions de textes, et puis c'est des commentaires, comme à un moment donné, on mentionnait qu'il était tout seul dans le désert, puis il y en a une gang qui ont écrit qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est toujours des choses que les autres ont apportées, et puis qui est modelé à la sauce de celui qui veut bien en parler. Mais on n'a jamais eu, parce que moi, j'ai jamais eu de conversation personnelle avec un Dieu, ou le Dieu, parce qu'on dit Dieu, mais il y en a un maudit paquet, hein, entendre parler de tout le monde. Non, non, il y en a un seul vrai. Oui, ouais, mais tout le monde dit ça. Le jeu, c'est de trouver lequel. Ouais, oui, parce que vous pouvez être condamné à jamais uniquement parce que... Mais si on prend exclusivement ce que le Nazaréen disait, est-ce que... Bon, mais il y a eu Mahomet après le Nazaréen qui, lui, a rajouté des choses. Il y a eu quand même quelques rares autres personnages après le Nazaréen. Bon, dans la religion catholique, évidemment, le dernier intéressant, ça a été le Nazaréen. Les autres n'ont fait que répéter, c'est sûr. Parce que si on prend juste là, les mots que lui a dit, est-ce que ce qui est entre guillemets dans la Bible, là, pas ce que tout le monde en décide, non, mais ce qui est entre guillemets dans la Bible, il n'y en a pas même de promesses là-dedans. C'est ôtez-vous les doigts dans le nez puis faites ce que vous avez à faire. C'est à peu près ça qui est dit dans... Oui, c'est un peu comme les grands maîtres qui disent « Shrami, shroum, frang, shning, shnofak », ce qui veut dire « Lavez-vous le dessus des bras ». Non, c'est à peu près la même utilité. Le Nazaréen a dit des choses, sauf qu'évidemment, ça a été déporté, non pas rapporté. Alors, on a déporté ce qui a été dit du contexte araméen. On l'a importé, évidemment, dans le contexte latin. Après ça, ça a été déporté du contexte romain, puis c'est répandu partout sur la planète Terre. Puis on a déporté les prêtres, puis on a déporté tout le monde. Parce qu'on sait comment c'est. Quand un prêtre n'est pas tout à fait correct, on l'envoie à la fin fond des villages, jusqu'à personne. Puis là, à un moment donné, la religion continue. Le Nazaréen a dit des choses extrêmement intéressantes. Maintenant, le Nazaréen, lui aussi, s'est fait jouer parce qu'au départ, il se disait en contact avec Dieu, il s'est dit en contact avec le Père, puis finalement, il s'est dit être. Il est parti aussi quand il a été. Alors, si c'était Dieu, bien, il est parti lui aussi. Qu'est-ce qu'on a de si mauvais pour que tous les dieux nous lâchent? Zeus, vous l'avez déjà vu? Poséidon, vous l'avez vu? Puis toutes les autres? Éole, Éole. Mais on parle maintenant des éoliennes, hein? C'est le dieu du vent. Ils se sont rendus où? C'est intéressant. Moi, je sais tout ça. Je vais me poser des questions. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi il y a tant de millions de personnes sur la planète, qu'on n'est même pas sûr qu'il y a un dieu, qu'il y en a plusieurs, qu'il n'y en a pas. 5,4 milliards. 5,4 milliards, excuse-moi, je vais aller. La majorité court après un dieu. Moi, dans mon temps... Quand j'étais jeune, j'ai déjà fait de la méditation, j'étais très fervent, puis je l'ai vu une fois Dieu. Mais ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie, mais pourtant je courais comme un fou après, puis même après l'avoir vu, je courais encore après, pensant qu'il m'apporterait d'autres choses. Que c'était pas suffisant juste de le voir? Ben, ça n'avait pas de l'air, puisque je courais quand même comme un lapin pareil après. C'est sûr qu'il écoutait la télévision, puis entend, il regardait un ministre qui nous fait des promesses, pas de son. C'est juste le voir. Le voir. Oui, mais ça aurait dû être suffisant. C'est peut-être moins décevant, par exemple, dans le cas de ministre. Mais il y a tant de personnes, 5 milliards, 400 millions, il doit y avoir des preuves quelque part que ça existe. Il doit y avoir des traces au minimum. Bon. Là, il faut quand même que tu... Des traces. Des traces quelque part. un mauvais lavage, on parlait tantôt, des traces. Toi, tu es peut-être une trace. D'ailleurs, si tu es une trace de Dieu, on comprend un peu les limitations de Dieu. Hein? Je pensais que t'as pas dit, j'en comprends, toi qui est parti. C'est pas gentil. Non. Toi, Dieu est pas là. Dieu est pas arrivé. En tout cas, il ferait des farces blanches. Non, mais il y a eu ben, Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit après avoir créé la femme? À se maquiller, là. C'est ça. Dieu est passé où? C'est ma mère qui m'a dit ça. Ta mère qui dit ça. Ce qu'il faut comprendre au départ, c'est qu'effectivement, moins il y a de preuves, plus le peuple qui habite la planète Terre croit. Je parle souvent de la dissonance cognitive, je parle souvent de la récupération en phase de dissonance cognitive, puis là, on en a un exemple majeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain reçoit des informations, puis à travers les informations que l'être humain reçoit, il y a des informations qui sont contradictoires. Puis l'être humain, il n'y a pas un humain sur la planète Terre actuellement, tant qu'il n'est pas centré dans son intelligence, puis il y en a qui se disent centrés, là, puis ils ont besoin de le répéter souvent. C'est pas tout à fait typique du centrage. Il n'y a pas d'humain présentement qui est conçu pour vivre avec des informations contradictoires. L'humain n'est pas capable. Étant donné que l'humain est totalement inconçu, il ne peut pas vivre avec des informations contradictoires, différents points de vue, ce qui est tout à fait l'apanage de l'être nouveau. Il est capable d'avoir tous les points de vue en même temps, sans vivre de crise psychologique, émotive, mentale ou supramentale. Et parce que l'être humain n'est pas conçu pour pouvoir vivre avec différents points de vue, il vit donc une dissonance, une inharmonie en fonction de sa cognition, en fonction de sa connaissance. Une dissonance cognitive. Parce que l'humain vit cela, il ne peut pas vivre avec ça, donc il va tout faire pour engendrer le mensonge cosmique, pour engendrer de l'illusion, pour atténuer. Donc, plus il croit que ça devrait bien aller, et plus ça va mal, plus il vit la dissonance cognitive, et plus il va inventer des stratégies psycho-émotives pour expliquer ce qui y arrive, de façon à créer une forme de rationalisme émotif, ou même scientifique, mais dans la majorité des théologies, c'est émotif, pour pouvoir supporter ce qui vient d'arriver. Alors, Dieu t'aime. Paf! On te crève un œil. Ah, c'est parce que Dieu veut que tu vois avec les yeux de l'âme. Ouais. Mais pourquoi on ne se crève pas l'autre œil, d'abord? Ah, c'est parce que Dieu veut quand même que tu puisses trouver ta demeure puis rentrer par la porte et non pas par le mur. Mais pourquoi l'autre là-bas est aveugle? Ah, ça c'est parce que Dieu... Et on va toujours expliquer après les choses, et c'est comme ça qu'on va inventer les religions. Alors l'être humain n'est pas capable, il n'est pas conçu, et quels que soient les astrologues, les personnes par exemple qui connaissent la bourse, c'est des génies. Ils ont tout expliqué pourquoi ça s'est effondré. Mais 2 heures avant qu'elle s'effondre, personne ne le savait. On explique toujours après, et c'est là qu'on se compte des mensonges, puis c'est là qu'on se perd. L'être humain devra donc, à un moment donné, pour arriver à comprendre, à retrouver peut-être Dieu, on va parler suffisamment de Dieu, mais l'être humain devra être capable d'être suffisamment en contact avec de l'instantanéité pour cesser d'être en contact avec la mémoire, donc le passé, pour cesser d'expliquer ce qui est arrivé en fonction des informations qu'il a, et surtout, en fonction du fait qu'il veut atténuer la souffrance émotive, la souffrance religieuse, la souffrance psychologique, du fait qu'il ne comprend plus rien. Alors, quand on ne comprend plus rien, bien, on explique. Ou on va voir quelqu'un pour se faire expliquer. Mais de toute façon, on est sur le chemin de l'illusion. Mais l'être humain ne peut pas faire autrement présentement, donc c'est absolument essentiel qu'il y ait des religions, c'est absolument essentiel qu'il y ait des politiciens qui, sans arrêt à chaque élection, promettent des choses qu'ils ne feront pas, qui se font réélire. Prenez, par exemple, comment il s'appelle? Robert Bourassa. Hein? On a inventé un nouveau mot, le bourrassisme. Le bourrassiste, c'est quoi? C'est quand tu es ni pour, ni contre, puis ni haut, ni neutre. Bon, t'es. L'émission est finie? Alors, le bourrassiste. À chaque fois que si vous fouillez un petit peu, là, vous regardez les caricatures de Bourassa avant 76, les caricatures de Bourassa en s'en allant. Mais tout le temps, on rit du fait que le gars, il prend jamais de décision. Et il est réélu. Bon. Brian Mulroney, depuis qu'il est là, quel pays Mulroney? Et puis, ça, les gens le savent, le pays Mulroney depuis qu'il est là, et on le réélit. Pendant longtemps, c'était Richard Nixon, le premier ministre du Canada. Ça, c'était à l'époque de Trudeau. Bon. Puis les gens revotaient encore Trudeau. Donc, vous revotez Nixon à l'époque. Plus les choses sont contradictoires, plus les choses sont noires, négatives, plus les gens ont tendance à croire. Alors, il y a des individus qui attendent la venue d'extraterrestres. Pour telle date. Ils ne viennent pas. Ben, c'est la preuve qu'ils existent. Il y a des individus qui attendent la fin du monde pour telle date. Il n'y en a pas. Puis il y a plus de monde après dans le gang. Puis c'est continuellement comme ça. La religion, toutes les religions augmentent. Là, on dit la religion catholique, elle perd des membres. Oui, c'est pas un problème. C'est des greffes de membres. Hein? On prend des membres d'une religion, on les greffe d'une autre religion. C'est pas. Le nombre d'athées n'augmente pas. Ça fluctue, mais ça n'augmente pas. Pourquoi? Parce que les gens magasinent, mais les gens ne cherchent pas à se conscientiser, les gens cherchent à se rassurer. Et nécessairement, c'est un gros problème. On va rechercher Dieu longtemps si Dieu n'est pas un rassureur. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on a fait de toute notre vie? Je ne parle pas de notre vie actuelle, mais depuis l'existence de l'homme, rechercher Dieu ou rechercher les chevaliers, chercher le Graal, toute forme de recherche qui a dépassé le... À partir du moment où on peut manger, on peut se loger, il y a une autre recherche qui commence. Mm-hmm. Puis là, on va dire la recherche de soi, la recherche des autres, la recherche de Dieu, mais moi, j'inclus ça dans la recherche de Dieu. C'est se retrouver, retourner à la source. Oui, c'est un synonyme. C'est ça, c'est tout pareil. Dieu est en dedans. À partir du moment où on a de quoi manger, puis on a de quoi se loger, puis que ça va pas trop. Juste assez mal pour être capable de penser, là, pas non. trop. En réalité, c'est on cherche. Du moment qu'on est adapté à notre situation c'est pour ça. Vite. C'est ça. Parce que quand est-ce que ça va vraiment bien? Et quand est-ce que ça va vraiment bien sur la planète Terre? Et ils ont fait un sommet extraordinaire de l'écologie. Ils ont pris des milliers d'enfants, puis ils ont mis dans des camps pendant ce temps-là. Puis ça a coûté, ça a pollué, ça a coûté combien de milliers d'arbres juste en photocopie, puis en fax pour envoyer des informations sur les nouvelles affaires du sommet de l'écologie. Bon. Quand est-ce que ça va bien? Alors, effectivement, donc, quand l'être humain est adapté à sa condition misérable, là, il est confortable, puis là, maintenant, il recherche Dieu. La quête. Mais il y a quand même eu, Daniel, dans le passé, des exemples pour renforcer les croyances en Dieu, des vies d'hommes ouais. exemplaires, de ouais, femmes c'est comme, exemplaires. C'est comme quand tu gagnes 10 piastres à la loterie, tu es sûr que tu vas le million s'en vient. C'est ça. Mais c'était quand même un phénomène intelligent de la part de certaines énergies. Peux-tu développer ce côté-là? Oui, tu parles des guérisons, par exemple, ou des apparitions? Guérisons, des apparitions, la vie de certains êtres qui, disons, dans la religion catholique, ils en ont fait des saints. Dans d'autres religions, je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, là. Mais ceux qui se sont rapprochés d'une énergie plus subtile. Bon, une chose qui est intéressante aussi, c'est que pourquoi vous n'avez rien? Et à un moment donné, quelqu'un arrive dans votre village, et puis lui, il a la capacité, elle ou lui, il a la capacité de guérir. S'il se promène avec la Bible sous le bras, Dieu est avec. S'il n'a pas la Bible, c'est le diable qui est avec. Puis on va l'éliminer. Bon. Alors, c'est évident qu'à un moment donné, il y a une personne qui meurt, et puis elle revient à la vie, avant qu'on l'enterre, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas d'embaumement, pas tout le temps. Et elle revient à la vie avant qu'on l'enterre. D'ailleurs, on se donnait 3 jours à l'époque parce qu'on ne savait jamais. On s'était dit, s'il n'a pas bougé pendant 3 jours, il est mort. Fait qu'on l'exposait 3 jours de temps. Puis, quand la génération spontanée ne faisait pas son effet, ça arrivait que la personne revenait à la vie. La personne qui revient à la vie et qui dit avoir vu Dieu, hein, c'est une preuve. Elle est morte. Elle est morte. Pas enterrée, elle est morte. Puis là, à un moment donné, elle revient à la vie et elle a vu Dieu. Là, ce qu'elle nous compte, là, c'est qu'elle a rencontré Dieu. Dieu lui a donné un message. Puis là, elle parle, puis elle est totalement changée. Oui, les processus de réincarnation puis les processus de possession. L'individu qui revient, c'est pas le même individu. Et son corps n'était pas mort. Son corps était en léthargie, comme ça arrive encore aujourd'hui. Même il y a quelques années, il y a à peu près 3 ans, on a descendu 3 fois une femme à la morgue, à l'hôpital Notre-Dame, puis à la morgue, ils l'ont ramenée en haut. Puis là, elle est morte, ils l'ont descendue en bas, puis ils l'ont remontée en haut, puis finalement, bien, ils ont réussi à sauver. En réalité, c'est pas vrai. Ils n'ont pas réussi à la tuer. Bon. C'est un point de vue. Bon. Puis encore dans les journaux, il y a un personnage, un monsieur très âgé, qui s'est réveillé dans son cercueil, là, puis il se demandait ce qui se passait. Ils lui ont dit qu'il a fait une crise de cœur. Bien, il en a fait une, puis il est mort. Bon. Il était déjà dans son cercueil, ça allait bien. Mais il n'a pas pu supporter. C'est sérieux, c'est en Italie. Alors, il est mort d'une crise de cœur, prenant qu'il avait été mort. Enfin, il était dans un cercueil, tout le monde était là. Là, ça ne savait plus si ça broyait parce qu'il était revenu. Quand tu penses à l'argent que tu as mis, parce qu'en Italie, tout ton linge est rendu noir, puis le bonhomme, il revient. Hey. En tout cas. Mais ce qu'on doit comprendre, donc, c'est qu'il y a eu effectivement des miracles. Il y a eu des individus qui sont revenus à la vie, mais il y a eu des individus qui sont revenus à la vie chez les Shaolins. Il y a des individus qui sont revenus à la vie en adorant le dieu Ha. Il y a des individus qui sont revenus à la vie en adorant le dieu chrétien. Il y a des individus qui sont revenus à la vie en adorant le dieu islamique, en adorant le dieu Krishna, en adorant Shiva, en adorant, etc. Bon. Mais c'est toujours des dieux, finalement. Ben, il faut comprendre. Est-ce que c'est Dieu qui intervient pour aider lui ou elle, alors que le bon bonhomme, la bonne femme, elle a mort, là? Dieu est venu aider, bon, hein? Une personne qui n'avait rien pour devenir un prophète. L'autre qui avait tout, mais écoute, on ne l'a pas vu. Et puis, est-ce que c'est Dieu qui est intervenu, ou si c'est une autre force, ou si c'est une conjoncture à travers des plans? Chose qui est certaine, c'est qu'on va en parler, mais les miracles et ces choses-là, quand on pose la question la plus fantastique, lui qui a pu ranimer des gens, ressusciter des morts, guérir des miséreux, des lépreux, pourquoi n'est-il pas capable de s'arracher lui-même de la croix? C'est une question qui est assez formidable. Et évidemment, c'est une dissonance cognitive majeure. L'humain est en avant. Mais voyons, non, s'il peut tout faire, pourquoi il ne peut pas rien faire? Puis là, ben là, tu vas inventer des stratégies pour expliquer cette mécanique. Mais les miracles du passé, il y en a eu du côté de Satan, puis il y en a eu du côté de Lucifer, puis du côté de tous les dieux. Mais l'exemple que tu viens de donner, je ne pense pas que c'est tout à fait fair, ça, Daniel, parce qu'il ne s'est pas arraché de sa croix pour devenir plus grand. Il a fait son corps de lumière suite à sa mort. Oui, mais est-ce que c'était nécessaire, du point de vue divin, je parle, que apparemment le Fils unique, puis unique veut dire que c'était le seul comme ça. Ça ne voulait pas dire que c'était le seul Fils. Bon. Le Fils unique, ce Fils-là, que tu envoies, c'est sûr quand tu en as quelques millions, quelques milliards, un de plus, un de moins, en tout cas, ton Fils s'en va, puis là, il doit mourir crucifié pour faire ton corps de lumière. Ça va coûter cher de croître à l'heure, puis on va perdre assez de monde pour nous crucifier, si tout le monde veut faire leur corps de lumière. Non, mais dans son cas, il est mort sans croix, mais si tu regardes les autres individus qui auraient fait leur corps de lumière sur la planète, il a tout fallu qu'il meure. Il n'y a pas un qui a fait son corps de lumière de son vivant. Pourquoi? Je te pose la question. Bon, la réponse est simple, c'est que Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est que quand un être humain meurt violemment à l'époque et que son sang coule, le sang apparaît en Atlantide. On parlera de la race rouge parce qu'on commence à voir l'hémoglobine. Quand à l'époque, aujourd'hui c'est à peu près plus nécessaire pour les races, disons, les sous-races génétiquement évoluées, il fallait à l'époque qu'une grande quantité du sang d'un être évolué en conscientisation sorte de son corps à sa mort. Parce que le sang est un grand médiateur du corps astral, donc de l'animalité chez l'humain, de ses principes réincarnationnels, bref, de sa mémoire, de tout ce qui n'est pas lui, de ce que la psychologie appelle le moi, là, mais de tout ce qui n'est pas l'homme. Et ça, si ça coule, il y a une grande partie de l'ego qui sort avec ça, ce qui purifie immédiatement l'individu avant sa mort, ce qui lui permet de traverser les sphères purgatorielles beaucoup plus rapidement, puis donc de faire son corps de lumière ou ces choses-là. Bon, c'est l'explication énergétique et matérielle, mais on touche toujours pas Dieu là-dedans. Non. Si on revient à Dieu, je t'écoute, puis les exemples que tu donnes pour, disons, expliquer comment ce qui fonctionne, c'est un côté. Si on regarde l'autre côté, Daniel, en anglais, on dit « once belief becomes the truth », ce que l'on croit devient vrai. N'est-ce pas la plus grande attrape-nigo? Est-ce que ce n'est pas nécessaire, justement, que pour avoir un contact avec un Dieu dans le passé, puis même aujourd'hui, les gens qui ont une foi, justement, très prononcée, peuvent bénéficier des faveurs de Dieu? Un, on dit souvent, c'est drôle, mais ce gars-là ou cette fille-là n'était vraiment pas prédestinée. Elle n'avait vraiment rien, elle était athée avant, en plus, que Dieu vienne la toucher, puis là, regarde-la aller, là, prêche partout, puis ça fonctionne. La foi, donc, est à éliminer. L'autre chose qu'on va dire, oui, mais... c'est que si toi, tu as de la foi, puis tu rencontres Dieu, et que lui a de la foi, puis il ne le rencontre pas, bien, c'est parce qu'il n'y a pas là-bas assez de foi. Oui. C'est tellement simple. Je vous dis, on a des stratégies extraordinaires pour expliquer tout ce qu'on constate. Mais on ne peut rien faire avec notre explication, on ne peut pas prédire, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas avoir de préscience de ce qui va se passer. On est toujours aussi démunis en face de la vie à partir des principes des religions et qu'on l'était avant. Mais ça ne prouve pas que Dieu n'existe pas pareil. Ça prouve pas qu'il n'est pas là. On m'a dit qu'il n'existait pas, la question c'est où est-ce qu'il se trouve. Oui. Parce que ce qu'on parle, on parle des miracles. Est-ce qu'il est déjà venu? Oui, bien, c'est ça, on parle des miracles, une certaine intervention. Est-ce que ça s'est fait par son entremise ou ça s'est fait, bon, comme ça, il y a eu une déconjoncture, puis c'est arrivé. S'il n'est pas là, pourquoi tant de milliards de personnes en ont parlé ou ont été changées par une expérience? Il faut faciliter les choses. On a un bonhomme, à un moment donné, qui a apparemment inventé un médicament pour guérir la majorité des cancers, le sida et ces choses-là. Bon. Ce bonhomme-là essaie de passer son médicament, puis il dit qu'il a inventé un microscope particulier qui permet de voir les choses en vie, bon. Et ça ne passe pas. Ce bonhomme-là invente sa structure, et là se dit, je suis sur la Terre. Donc, si j'amène ça là, je vais me faire crucifier. La meilleure chose maintenant pour éviter la crucifixion, c'est d'être un religieux. Avant, c'était l'inverse. Bon. Alors, le bonhomme, il aurait dû se dire, je vais rentrer dans un ordre monastique pour 5-6 ans. Je vais lire, je vais chanter, je vais psalmodier, bon. Et puis après 5-6 ans, je ne défroquerai pas. Je vais avoir une illumination totale. Dieu va me parler, puis Dieu va me dire quel microscope inventer, puis quel est le médicament miraculeux que je vais mettre sur le marché. Puis là, quand je vais m'en parler à mes supérieurs, qui vont me dire de cacher ça, de taire tout ça, parce que les supérieurs ont très, très peur des miracles, parce que c'est bien compliqué. Et puis à un moment donné, ben là, la personne va commencer à en parler, puis c'est Dieu qui lui a donné la... elle va passer bien mieux. Mais pourquoi elle ne passe pas aujourd'hui? Parce qu'elle dit que c'est elle qui a trouvé. Le gros problème là-dedans, c'est que si tu guéris les gens de par ta propre énergie, tu vas te ramasser en prison pour pratique illégale de la médecine. Mais si c'est Dieu qui vient t'investir, même si c'est pas vrai, tu vas pouvoir guérir et te promener beaucoup plus facilement. Je ne dis pas partout, mais beaucoup plus facilement. Prenons un psychologue qui s'affiche exorciste. Oui, mais il y a du monde qui arrive, qui sont réellement mal pris, qui sont schizophrènes et ces choses-là, c'est des possessions mineures. Puis, lui, il les exorcise. Il crie, il gueule, il sort un fouet, il claque dans l'air, puis il chiale après des entités, il fait un gros scénario. Puis, les personnes repartent correctes. Les autres psychologues vont dire, « Ouais, c'est un psychologique, c'est une affaire. » Évident, tu sais, c'est pas un psychologue. Les prêtres vont trouver que, bon, la science et les sceptiques, ils sont pas sceptiques, les sceptiques du Québec, ils sont convaincus que c'est pas vrai. Autre chose. Alors, les sceptiques, eux, vont dire, évidemment, que c'est du monde arrangé et tout ça. Et l'Église ne se prononcera pas. Mais, c'est un fait. Par contre, si c'est un prêtre qui fait des exorcistes, là, l'Église va vouloir qu'il n'en fasse pas trop, parce qu'on ne sait plus du côté de qui l'Église est rendue, puisqu'avant, les exorcistes, c'était évident. Aujourd'hui, on peur un peu. Dieu, là-dedans, c'est toujours une belle explication pour expliquer ce que l'être humain fait. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir en conférence quand j'ai commencé vers 84. Les personnes me disaient, c'est vrai, M. Kim, mais j'ai toujours eu l'idée, là, je vous entends parler, que quand vous faisiez vos conférences, que vous étiez en transe. Ça arrive des fois qu'il fait chaud. C'est en transpiration. Mais, c'est ça. Si moi, je parle et que je ne parle pas au nom d'un Dieu, j'ai beaucoup moins de crédibilité pour la majorité des humains. Quel que soit le Dieu, je parlerai au nom de Krishna, au nom de Siva, au nom de tout ce que vous voudrez, j'aurai plus de crédibilité. Mais à l'instant où je parle en mon nom, donc sans citer Bouddha, je peux parler de Bouddha, sans citer Gandhi, je peux parler de Gandhi, puis sans citer tout cela, je peux parler d'eux autres. Bon, ça devient compliqué. Et l'être humain vit une problématique similaire, c'est que l'être humain refuse d'être son seul maître. Un, on va dire au départ aux individus que l'on veut contrôler d'une façon psychologique, sociale, parce que pendant longtemps, les gouvernements étaient religieux, encore quelques places aujourd'hui sur la planète. Alors, on va dire aux gens, écoutez, c'est un péché que de penser que c'est vous qui allez... Comme ça, tu contrôles tout, parce que le gouverneur, c'est le prêtre. Bon, c'était facile. Tu veux des enfants? Dieu veut des enfants. Tu veux de l'argent? Dieu veut que vous fassiez abstinence de vos biens. Et Dieu n'a pas besoin, l'Église n'a pas besoin. L'Église va gagner à la loterie, si Dieu voudrait. Mais en attendant, Dieu veut vous éprouver. Alors, vous m'amenez vos biens. Bon. Et ça a toujours été extrêmement facile. Quand on disait ici aux Amérindiens, avec la chrétienté, quand on vous frappe, tendez l'autre joue, ben, quand ils ont bien appris, on est venu coloniser. Ça s'est fait facilement, voyons, un Amérindien, paf, tendez l'autre joue, paf, tendez l'autre joue, paf, à un moment donné, on est venu fort, les autres sont venus plein de bleus. Toutes les stratégies religieuses jusqu'à date, et moi, ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est qu'on va en passer, c'est dépendamment de vos questions, mais là, je ne vais pas trop vous geler, j'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille vous brosser un petit peu. Un petit peu, pas plus. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que il y a énormément de gens qui croient en Dieu. Ils ne l'ont jamais vu, ils ne l'ont jamais senti, ils ne l'ont jamais entendu. Ah, il y en a un qui dit, je l'ai vu passer. Comme on est con, tu sais, à l'époque. Bon, je l'ai vu passer. Ben, c'est correct. Mais c'est pas là qu'on le perd quand on commence à y croire. Si on regarde un enfant de 5, 6, 7, 8 ans, ou plus jeune, peu importe, mais un jeune enfant qui n'a pas tous les principes d'adulte puis de... Un enfant. Toute l'histoire. Un enfant pur, là, je parle. Parce qu'il y en a des enfants de 4 ans qui ont eu le temps de s'en faire raconter beaucoup. Mais un enfant vraiment neutre, lui, il devrait être Dieu. Il devrait être Dieu. Il ne devrait même pas penser à Dieu ou savoir qu'il existe. À partir de quel principe devrait-il être Dieu? Ben parce que si Dieu, c'est vraiment une pureté, une énergie... T'as entendu ça où? Ben, j'ai entendu ça. De personnes que tu crois pas. Puis si ton petit enfant est pur, il est Dieu. Pourquoi, à un moment donné, Dieu n'est pas capable de rester Dieu? Puis quand devenant vieux, il n'est plus Dieu. Parce que l'homme naît dans l'enfant. Ouais. On dit que c'est l'homme qui fait connerie. Que on, Dieu... dit, c'est sûr, il faut bien qu'on se culpabilise un peu. Ouais. Mais non, c'est pas Dieu certain, c'est toutes nous autres. On devrait, en vieillissant, si on devenait Dieu en vieillissant, on devrait devenir de mieux en mieux. Mais c'est pas ça qu'on fait, on rempire à partir du moment où on commence à respirer. Mais on devrait pas, mais ce serait intéressant. Ben, on devrait, dans le temps, j'aimerais ça. Que Dieu, si on regarde la création, il a mis deux petits-enfants de 6 mois dans un parc. Un revolver chargé, armé, dans le parc. Puis il a dit, vous avez plein de jouets, là, jouez avec tout sauf ce jouet-là. À un moment donné, il y a un petit jeune qui prend un revolver puis qui tue l'autre par accident. Là, Dieu, il le punit pour les millions d'années à venir. Mais ça, c'est la genèse de l'Église catholique. Ça, c'est le Dieu qui a été inventé par les Romains. Non, qui a été imposé par les chrétiens. Imposé par les Romains. Parce que l'Église catholique romaine, je n'ai jamais compris ça non plus d'ailleurs, parce que c'est les Romains qui ont crucifié le Nazaréen, puis l'Église vient de Rome. Mais parce que Pierre est allé à Rome, parce que Pierre fallait qu'il fuit, ça sentait trop mauvais en Judée. Il s'est ramassé en Rome, puis il a fait des affaires. Il y avait des catacombes, il y avait en tout cas toute une ramenée manchure. Plus les chrétiens se faisaient tuer par les Romains, plus les chrétiens croyaient en Dieu, puis plus les Romains en tuaient, plus les Romains croyaient en Dieu. Parce que les chrétiens qui mouraient se réincarnaient dans le territoire, donc se réincarnaient des Romains. Fait que les Romains croyaient en Dieu. Puis lentement, le Dieu romain est mort pour être. Bon, aujourd'hui, il y a. Le Dieu science, le Dieu extraterrestre, le Dieu... Puis, parce qu'il me semble qu'on s'en éloigne quand on vieillit. On s'éloigne de quoi? Bien, de Dieu, là, pour moi, c'est pas nécessairement un personnage. De Dieu dans la qualité d'être. Être quelqu'un, être quelque chose d'intéressant. Être plutôt pur, pas plutôt, être pur. Tu vois, plutôt, c'est déjà adulte, ça. Être c'est pur. Le langage de l'humain, ça. Ouais. Et puis, vivre, juste vivre. L'enfant, il est assis, il regarde pousser une roche, comme... On fait plus ça quand on est adulte. Ben, pour moi, l'enfant, là, il est Dieu. Il est plus proche de Dieu que moi, en tout cas. Là, il y a un gars qui passe à côté qui n'est pas Dieu, lui. Là, il ramasse ton enfant, puis il se pousse avec, tu le retrouves décapité. Bon, ben ça, c'est l'adulte qui l'a fait, c'est pas lui, c'est pas l'enfant. Mais Dieu, là-dedans, lui, il est où? Il était dans l'enfant, là. Donc, on est drôlement plus puissant que Dieu. Mais là, il y a une chose extrêmement importante, c'est que je devrais, normalement, répondre aux questions et non pas poser des questions. C'est ça. Mais c'est intéressant. Est-ce qu'il faudrait faire une différence, Daniel, avec ce que l'homme, je pense qu'il faudrait faire une différence, c'est-à-dire avec ce que l'homme fait au nom de Dieu et ce que Dieu fait réellement? Bon. Effectivement, on doit observer des choses. C'est intéressant ce que tu amènes là, on se rapproche un peu d'une mécanique quelconque. On va se retrouver quelque part. Mais pas nécessairement là où on pense ou là où on veut. Le gros problème, c'est que si on veut aller quelque part, vous allez probablement vous rendre là. Et probablement être extrêmement déçu, par exemple. Parce que vouloir aller quelque part alors qu'on ne sait même pas à quoi ça ressemble Dieu, alors on ne sait même pas à quoi ressemble le paradis, hein, passer sa vie à vouloir aller au paradis alors qu'on n'a aucune idée si c'est vrai, on ne sait même pas à quoi ça ressemble, puis quand on se fie à quelqu'un qui nous dit comment y aller, lui, il n'a jamais vu lui non plus, il n'a jamais été lui non plus, c'est sûr qu'il faut avoir de la foi. Bon. Mais il y en a un paquet avec leur foi qui, à un moment donné, se ramasse un peu partout. Parce que si tu as la bonne foi, ça peut être la petite secte de 30 individus comme celle de 300-400 millions d'individus, mais il ne faut pas que tu te sois trompé de foi. Hey, imaginez-vous bien. Hein? J'espère que vous êtes dans la bonne foi. Là, le gros problème là-dedans, c'est que tout ce que l'être humain fait au nom de Dieu est toujours fait au nom de l'homme. Alors, l'homme pardonne au nom de l'homme. Ne pouvant supporter le poids énergétique de cette mécanique de pardon, il a fait reposer sur les épaules de Dieu. Alors, au nom de Dieu, je te pardonne. Ça, c'est typique de l'Église catholique, alors que le Nazaréen sur lequel est basée la chrétienté a dit que c'était l'homme qui devait pardonner. Bon, l'Église catholique, à un moment donné, il y a un bonhomme, un personnage intéressant, qui est allé dire aux humains, il a mis des commandements. Tu ne feras pas d'images taillées ou dessinées représentant les choses du ciel ou de la terre. Bon. Si vous allez dans une église de cette religion-là, vous allez voir tous les saints, tous les diables, les passés, puis il y a même des endroits, là, des carcasses physiques de ces personnages-là qui sont vivus. Tu sais, c'est bon. Là, on vend des icônes, on vend des médailles. Et là, on se dit comment... quand tu viens en visiteur, tu te dis comment l'être humain peut-il avoir la foi dans une religion qui lui est sciemment, à travers les principes même de sa foi, il désobéit rituellement à tous les commandements de son Dieu. Moi, je vous parle de dissonance cognitive. L'être humain est une bébite bien bâtie pour être capable de vivre dans la continuelle et perpétuelle contradiction, mais parce qu'il a engendré quelque chose pour éliminer la dissonance cognitive, il est capable de se placer dans une espèce de nimbe d'énergie ankylosante. Finalement, ça va. Mais pour arriver à sortir de là, pour arriver à comprendre, parce que Dieu soit au fin fond de vous, si vous vivez confortablement à travers toutes les contradictions du fait que Dieu est au fin fond de moi, mais il n'est pas dans mon orteil qui souffre de gangrène. Vrai que j'envoie moi-même, mon Dieu, dans... Dieu est peut-être dans le ciel, mais les oiseaux devraient le connaître. Dieu... Il faut comprendre une chose. Ce qui est extrêmement important, Le travail que je fais présentement est un travail de conscientisation et non pas un travail d'évolution, parce que l'évolution, c'est une chose qui est en train de s'achever. Chez plusieurs individus, commence à être conscient, donc à être directement en contact avec... Avec Dieu, non. Avec Dieu, oui. Quand l'être humain me demande tout ce que je dis, moi, je prends ça où? J'ai pas appris ça, j'ai pas étudié, puis avant de faire une conférence ou avant de parler, je le sais pas. Un, parce que j'ai pas besoin de le savoir, donc ça me sert à rien de savoir, j'ai pas besoin de ramasser les informations. Deux, je donne l'information uniquement quand elle passe, parce que ça permet de passer de l'énergie, puis c'est l'énergie qui m'intéresse et non pas l'information. Bon. Maintenant, ce qui est extrêmement important, c'est que lorsque l'être humain finit par être capable de se centrer dans son intelligence, mais se centrer dans son intelligence, ça peut être théologisé facilement, ça peut être spiritualisé facilement. L'individu médite et centré dans son intelligence. Non. Parce qu'un individu centré dans son intelligence est capable non seulement de vivre une non-égoïsation, ça veut dire qu'il voit la fonte de son ego. Dans l'antique religion, on parlera, on dira, il devient humble. C'est et d'une humilité qu'on ne s'en vante pas, là. Le Nazaréen avait ce problème-là quand il voyait les pharisiens puis la gang qui était humble avec une grosse pancarte, là. Respectez-moi, je suis humble. Bon. L'être humain qui se centre dans son intelligence, c'est un être humain qui comprend les mécaniques de l'illusion, les mécaniques du mensonge cosmique, même s'il ne comprend pas la source. Ça, c'est un phénomène qu'on doit se mettre dans la tête. C'est que pour comprendre ou retrouver, on va dire Dieu, sans définition, parce que toutes les définitions que l'homme a amenées jusqu'à date sont des définitions humaines. Écoutez, vous ne voyez pas ce que vous entendez, puis là, vous le dessinez. Ça doit ressembler à ça, ce que j'entends. Un gros bout de bang! Ah, il doit avoir une grosse patte. Puis là, le bruit, il est dans des grosses griffes. Là, quand vous voyez le monstre arriver, là, c'était un petit système de son qui est haut-parleur. Ce que vous avez dessiné, puis ce qui le créait, le bruit, rien à voir. Présentement, l'être humain parle de Dieu avec des perceptions qui viennent de son corps vital, des perceptions vitaliques, et il les dessine, il les interprète avec des perceptions matérielles, les sens cérébraux, soit les sens matériels, il les interprète. Donc, nécessairement, là, on a un problème. Quand l'être humain se centre chez lui, donc quand l'être humain a la capacité de faire abstraction de la mémoire, ça veut dire, plus l'être humain va avoir la capacité, non plus d'expliquer en fonction de ce qui vient d'arriver, mais d'expliquer uniquement en fonction de ce qu'il vit. Puis quand je parle de ce qu'il vit, je parle de ce qui se passe présentement. Puis expliquer, c'est dangereux. Chaque fois que l'être humain se doit d'expliquer, il doit jouer un rôle qui ne lui est pas attribué. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas bâti pour expliquer les choses. L'être humain est bâti pour décrire les choses. Alors, même la science va décrire une mécanique. On va décrire la mécanique de rejet d'une greffe. On va décrire la mécanique d'attaque d'un rétrovirus. Au niveau de l'ADN et de l'ARN des cellules. On décrit. Par exemple, on prend le sida, on comprend toute sa mécanique. Un enfant de 5 ans arriverait et dirait aux grands savants, pourquoi les grands savants sont faits à l'os? Ils vont dire, écoute, c'est parce que le rétrovirus, là, quand il fait ceci, là, il remonte dans le noyau de la cellule, pourquoi il va là? Ah ben, écoute, c'est ça le problème. L'être humain ne peut pas expliquer, l'être humain ne peut que décrire. Donc, chaque fois qu'on veut expliquer ce qui se vit, ce qui arrive sur la planète, ce qui arrive dans le cosmos, dans vos cœurs, dans nos intestins, chaque fois que l'on veut expliquer, on décrit et on accepte la description de l'événement en fonction des informations qu'on a reçues, on accepte la description comme étant une explication. Parce que l'explication qu'on recherche. Et l'explication, plus on en aura besoin, plus on va la transformer en vérité. Sauf que ça reste une description. Parce que pourquoi le Nazaréen est mort sur la croix? Personne n'aurait pu le dire avant qu'il meure. Tout le monde peut avoir sa théorie après qu'il est mort. Parce qu'on n'explique pas. On décrit ce qu'on voit. Et est-ce qu'on cherche l'explication ou on cherche une description? Non, l'humain cherche l'explication, mais l'humain, présentement, n'a pas... Vois-tu, l'humain doit développer la perception de différents corps, ce sont des outils. Tant que l'humain travaille uniquement avec des outils primaires, par exemple, vous avez décidé d'écrire une lettre avec un gros burin et un gros marteau. Parce qu'à l'époque, vous deviez écrire sur de la pierre. Mais là, on vous fournit du papier. Là, vous êtes là, paf, ça déchire. Puis là, bon, là, vous essayez de faire vos lettres, vous allez tremper ça dedans, vous allez, bon, on s'organise. Puis là, vous allez envoyer ça à quelqu'un, la personne va recevoir ça, elle va dire, ah, voici un pictogramme envoyé par un tel. Puis là, la personne, elle le regarde, puis là, elle se branche, puis là, elle va essayer d'analyser ce que l'autre veut dire. Mais c'est parce qu'on n'a pas les bons outils. Présentement, ce qui arrive, c'est que l'être humain, à l'époque, n'était pas équipé pour expliquer. Il n'est pas plus équipé aujourd'hui pour expliquer, il est équipé pour décrire. Et dans sa description, il va en faire de l'information explicative pour arriver à se dire, bon, ben c'est pas, je comprends. Mais l'humain ne comprend jamais, parce que l'humain est toujours obligé de rajouter des morceaux dans sa compréhension, parce que tu comprends jusqu'à temps quand tu te rends compte que c'est encore en contradiction. Et là, parce que tu vis une dissonance cognitive extrêmement souffrante, tu vas encore t'y étonner. Le Dieu, à ce moment-là, est-ce que c'est une description ou une explication? Non. Il faut comprendre que, premièrement, l'être humain a donné le mot Dieu, au départ, à l'origine, à quelque chose qui englobait tout ce qui échappait à la capacité cérébrale de l'homme de décrire. Alors, quand il y a un volcan qui éclatait, ne pouvant décrire la mécanique géologique du volcan, c'était un dieu. Quand il y avait un orage avec des éclairs, ne pouvant décrire la mécanique, aujourd'hui on décrit, on ne sait pas pourquoi. On décrit. Il y a une friction des couches nuageuses dans l'atmosphère, ce qui va engendrer des différences de polarité, et par rapport au sol, etc. On décrit. On n'explique pas pourquoi les électrons, les ions s'en vont là, les positifs là, les négatifs là, etc. Pourquoi le négatif est tiré par le positif, on ne le sait pas. On le décrit. Bon. Et le décrivant, ça donne un avantage, c'est qu'on est capable de ne pas expliquer, on est capable de se servir des choses. Une chose. On peut se servir des polarités pour faire des moteurs, pour faire des dynamos, des centrales électriques, etc. Maintenant, l'être humain ne recherche pas de description. L'être humain recherche explication. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être pressé. Il faut dire que sur la planète Terre, on peut même dire qu'il est compressé, hein? Parce que ça va tellement bien qu'il a besoin de trouver des... Alors, il arrive ceci. Il arrive qu'originalement, on va dire originellement, l'être humain devait donc trouver une façon de dissoudre la dissonance cognitive à travers tout ce qu'il ne comprenait pas. Alors, c'était Dieu. Et progressivement, au fur et à mesure de l'expérience de l'humain sur la planète Terre, on a retiré dans le cercle de Dieu des éléments qui sont descendus dans les éléments de la science. Par exemple, c'était plus le dieu volcan, il n'y a pas un dieu de feu, il n'y a pas un dieu de vent, il n'y a pas un dieu soleil. On explique. Maintenant, où on arrive aujourd'hui, c'est qu'on va se dire, maintenant qu'on a, on a dû expliquer, mais on a décrit, maintenant qu'on a expliqué dans une forme descriptive les mécaniques, qui a créé le soleil? Qui a créé l'univers? Qui a créé la mécanique, même aléatoire, même du hasard, pour faire que l'homme arrive? Qui a créé la mécanique, même aléatoire, pour faire que la vie puisse animer quelque chose? Qui a créé la réflexion? Qui a créé le monde de la mort? Qui a créé la pensée? Qui a créé les extraterrestres? Qui a créé Lucifer? Qui a créé ces choses-là? Et on en revient encore à un problème à un moment donné, c'est que même la science, l'astrophysique, c'est la science qui peut aller plus loin, ils retombent dans la dissonance cognitive et ils redeviennent religieux. Mais Daniel, l'homme, à t'écouter, l'homme n'avait pas d'autre choix que de se trouver... un modèle d'espérance, une béquille? Non, l'homme n'avait pas d'autre choix, c'est un terme faux. L'homme n'avait pas de choix. C'est plus juste. Quand tu n'as pas d'autre choix, tu n'as pas un choix. Tu n'as pas de choix. Il n'y avait pas d'autre choix que de... Donc, il n'y avait pas de choix. C'est ça, il y avait seulement un choix, si tu veux. Donc, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix. On en arrive. Non, mais regardez, ce qui est important, pourquoi je mets le petit point, c'est que continuellement, même à travers de l'évidence, on continue à avoir un vocabulaire pour nous permettre d'engendrer la foi et de nous amener à des explications descriptives qui peuvent nous tromper, qui peuvent nous jouer des jeux. Parce que il n'y a personne qui pouvait, équipé comme l'homme normal, décrire qui a engendré le soleil, qui a engendré la lune, ainsi de suite. Comment est-ce que ça s'est fait? Quoi qu'il le fait, qu'est-ce qui s'est produit? Le gros, la grosse question là-dedans, c'est que si quelqu'un pourrait expliquer, pas décrire, expliquer toute cette mécanique-là, à quoi ça servirait à l'humain de savoir ça, actuellement? Non, la question est intéressante. Bon, il faut donc revenir sur, évidemment, ce qui est central au niveau de l'humain. L'être humain, présentement, ça, l'humain a beau se leurrer, dans une prochaine conférence, on va parler du mensonge cosmique, mais l'humain a beau se leurrer, moins l'humain comprend, plus il va croire. Moins l'humain peut s'expliquer, même si ses explications font partie de l'illusion, moins l'humain peut expliquer, plus il va croire. Ce qui fait que plus ça va mal, plus les religions gagnent des fidèles. Mieux ça va, plus ils perdent des fidèles. Alors que si on regarde ça d'une façon plus lucide, on devrait dire, si Dieu existe, à moins évidemment que Dieu soit une entité de mal, alors là, je comprends que plus ça va mal, plus tu y crois. Que plus ça va bien, moins tu y crois. Écoute, Dieu, l'as-tu vu ces derniers temps? Non, ça va bien depuis un mois. Bon. Mais là, Dieu, tu crois-tu ça en ça, en Dieu? Va à l'hôpital. Demande-leur s'ils croient en Dieu. Ah, ils croient en Dieu, en maudit. Le monde qui sont en train de les mourants, puis en force terminale, ça va croire beaucoup en Dieu. Mais il faut croire que Dieu est partout où le mal se trouve. Bon, là, on va dire, oui, c'est parce qu'il vient atténuer le mal. Mais c'est parce qu'on ne peut plus le... Donnez-moi pas la possibilité d'être divin parce que je n'atténuerai pas le mal. Je vais l'exclure, le mal. Alors, Dieu vient l'atténuer. C'est à partir du moment où on ne décrit plus qu'on commence à chercher un Dieu. Parce que quand on est capable de décrire, comme tu disais tantôt, quand on était capable de décrire la formation des volcans, oui. Ben là, Dieu a arrêté de faire des volcans, c'était normal, c'était naturel. Mais quand il y a de l'atrocité, il y a de la famine, il y a de la guerre, de la souffrance, là, on ne peut plus comprendre qu'humainement, c'est logique, puis que divinement, c'est logique. On va le rejeter sur quelque chose, on va le rejeter sur un Dieu. On va l'expliquer par quelque chose qui... Parce qu'on n'est pas capable d'expliquer une Puis quand horreur. Ton espoir fait partie du fait que Dieu va venir t'aider, bien, si ça va mal, ça crée une dissonance cognitive. Si Dieu est bon, ça va si mal, ça marche plus. Alors, on va travailler pour éliminer la dissonance. On va inventer le diable. On va inventer les forces du mal. Mais ces forces-là existent. Mais il faut faire attention, c'est qu'en réalité, nous sommes... L'être humain est dans un contexte intéressant. Nous sommes présentement dans une région où il y a harmonie. Mais l'être humain, lui, dans un contexte où il y a harmonie, recherche l'harmonie. C'est typiquement humain. C'est génial. En réalité, c'est pas vrai. C'est pas typiquement humain, c'est typiquement divin que de rechercher l'harmonie dans un endroit où il n'y a que de l'harmonie. C'est typiquement divin. Quand Dieu, il est où? Il n'est pas là, il n'est pas là. Je dis souvent que Dieu se trouve à 2 cm et demi en arrière de ton oreille gauche. Puis il se trouve en arrière de l'oreille gauche de tout le monde. Tu peux le pointer où tu veux, il est là. Bon. Mais il n'est pas là. Le gros problème, c'est que chaque fois que l'être humain regarde à travers le pare-brise de son automobile, puis on lui dit, regarde, il y a un édifice en avant, lui, il fait son focus, puis il dit, ben non, je vois juste des mouches dans la vitre. C'est ça, l'homme. Alors, c'est évident que si tu lui décris Dieu, il va essayer de trouver une mouche aplatie, qui ressemble à ce que tu viens de dire. Alors qu'il devrait ajuster son focus, le pare-brise va disparaître complètement, il n'en verra plus, puis il va voir en avant. Là, il va voir d'autres choses, il va voir à l'extérieur de son habitat, de son corps. Sauf que présentement, l'humain, lui, il tient à voir son pare-brise. L'humain, ce qu'il se dit, les grands philosophes se disent, est-ce qu'il y aurait moyen de rencontrer Dieu tout en restant moi-même? Est-ce qu'il y aurait moyen que je puisse voir l'édifice tout en voyant toujours le pare-brise? Fait, parce que sans ça, j'ai l'impression que je ne suis plus moi si je n'ai plus le pare-brise. On s'identifie à notre corps, à notre chair, à nos mémoires, à ces choses-là. Plus l'être humain se conscientise, donc quand l'évolution cesse, plus l'être humain se conscientise, plus l'être humain se centre dans l'intelligence. Et puis l'être humain va avoir accès à de l'énergie, et nécessairement, l'humain ne se pose pas la question qui est Dieu, où est Dieu, etc., parce que ça ressemble un peu à l'enfant, mais quoique l'enfant n'est pas initié, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas de conscience, donc il n'est pas conscient du problème. Alors que l'être nouveau, puis il y en a qui s'en vont là, l'être nouveau, comme femme, enfant, est conscient des problèmes, et il est conscient de quelque chose d'autre. Regardez ce que ça donne. Pendant quelques 300 millions d'années, de l'animal humain à l'être humain va expliquer, en réalité il va décrire, mais il va supporter son incompréhension émotivement à travers les religions. Alors pour lui, ça va être absolument logique. Il y a un volcan qui éclate, là, c'est parce que Dieu est en colère. Quelqu'un va dire, oui, non, Dieu est en colère. Mais oui, non, crime, regarde, ça passe là des dieux qui est pacifique, cela. Il bave, il crache, il envoie des bombes, ça coule. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends quelqu'un de ton village, tu le fous dans la bouche du dieu, tu sais, et il bouffe. Pouf, fin rote. Là, tu dis encore fin. T'en mets un deuxième. Puis si un volcan, la durée de vie d'un volcan est assez faible. Ça dure longtemps, le monde, il meurt tout, puis non, il s'en va. Mais normalement, après 3, 4, 5, 6 mois, tu mets une personne dans le volcan toutes les semaines. Bien là, Dieu finit par être content. Il arrête. Bon, on fait la même chose avec les religions, puis avec... C'est la même chose. Nous, on regarde tous ces barbares. Je dis souvent, il y a des personnes civilisées qui regardent à la télévision des indigènes avec des gros os dans le nez, là, puis ils sont là, puis ils se mettent des affaires dedans. Là. Bon, il y a un gros tibia, quasiment. Ça, ils viennent! Les yeux clés à bout d'oreille pendant ce temps-là, eux autres, ils ont des affaires qui traînent après les oreilles, puis les autres, ils ont dans le nez à la place. Mais pour l'humain, c'est tout un amancheux. Bon, oui, mais c'est pas aussi pire. C'est tout, on va tout se rationaliser. Celui qui se met à faire danser, il va trouver qu'après les oreilles, c'est pas correct. Il va pouvoir aussi t'expliquer pourquoi c'est pas correct. L'être humain, donc, pendant longtemps, c'était évident que c'était Dieu. Et aujourd'hui, pour encore plusieurs êtres humains sur la planète Terre, c'est non seulement évident, mais on va te tuer si tu n'y crois pas. Alors, il n'y a même pas question. Dieu est tellement faible qu'on ne veut pas, nous, en tant qu'humains, tolérer la présence de quelqu'un qui vient dire que c'est pas vrai. Puis comme Dieu, apparemment, n'a jamais été capable de s'occuper lui-même de ces choses, ça permet à l'homme de le faire au nom de Dieu. Fait qu'on tue au nom de Dieu, on viole au nom de Dieu, on paye au nom de Dieu, ou on convertit au nom de Dieu, ou on s'assagit au nom de Dieu. La deuxième étape qui est arrivée, c'était totalement évident que Dieu existait, puis encore aujourd'hui, c'est souvent comme ça. C'est évident! C'est évident! Comment veux-tu expliquer ta présence? Comment peux-tu expliquer sa présence? Ah, mais c'est Dieu a toujours été là! Moi aussi, non! Et c'est évident au niveau émotif. Mais ceux qui ont À un moment donné, l'humain va arriver à se sortir de l'évidence émotive pour entrer dans l'évidence scientifique. C'est évident que Dieu existe à part. Là, c'est aussi évident que c'était évident pour le même gars à travers le temps. Quand Dieu existait, c'était évident. Il aurait donné sa vie pour ça. Puis maintenant, Dieu n'existe pas, c'est aussi évident qu'il y en a qui ne sont pas donnés leur vie pour ça. Ce qu'on devrait tirer des leçons de l'histoire, mais de l'histoire, on apprend uniquement qu'on n'apprend rien. De l'histoire, c'est dommage, mais c'est comme ça. Si on regarde l'histoire, ce qu'on peut apprendre, c'est qu'on n'a jamais rien appris d'histoire. Mais ce qu'on devrait apprendre de l'histoire, finalement, c'est qu'à l'époque où on était totalement convaincu que c'était ça, mais dans une autre époque où on est totalement convaincu que c'est pas ça, on devrait se dire, écoute, si j'avais tort avant quand j'étais super convaincu, j'ai peut-être tort aujourd'hui quand je suis super convaincu de l'inverse. L'homme doit comprendre qu'il y a des étapes à travers son ascension et que progressivement, il se découvre des outils. Des outils vont venir détruire les illusions du passé, créer de nouvelles illusions. Et si l'humain s'attache aux nouvelles illusions comme il s'est attaché aux illusions du passé, évidemment, c'est encore problématique. On va trouver Dieu pas à l'intérieur de l'humain, parce que si je serais Dieu, en tout cas, moi, je n'irais pas rester à l'intérieur de vous autres. Bon, c'est trop compliqué. Imaginez, vous êtes Dieu, là, vous êtes à l'intérieur de quelqu'un, puis là, vous le voyez en bouffer des affaires qui vont tuer son corps physique. Puis là, il va prier pour que vous répariez son corps physique. Puis là, il va continuer. Oui ou non? Il n'y a pas un Dieu censé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, effectivement, l'être humain arrive à être en contact avec une source. Mais est-ce que la source, c'est Dieu? Bon, quand l'être humain arrive à être en contact avec cette source-là, l'humain, au départ, peut se faire avoir souvent. Il peut se faire tromper souvent. À un moment donné, l'humain finit par avoir un contact très particulier avec une source différente de celle de toutes les sources qu'il a connues à travers cette vie-ci, dans sa mémoire, ou à travers ses réincarnations, je s'en rappelle. Et l'être humain a maintenant la capacité de répondre à des questions, de répondre à ces questions. Puis l'être humain commence à avoir une vision totalement différente de tout. Mais l'humain commence à être informé. Et l'humain commence à être centré. Puis la centricité fait en sorte que tu n'as pas besoin de l'explication parce que tu baignes dans une énergie suffisamment instantanée et cette énergie-là, elle te permet d'exclure à travers ton besoin psychologique l'explication. Et là, ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que quand l'humain arrive à être en contact avec cette source-là, il est beaucoup plus vivant, c'est-à-dire qu'il a la capacité instantanément de tout savoir, et je ne parle pas de connaître. Connaître fait référence à la mémoire. Je connais Montréal. On ne dit pas « je sais Montréal ». On dit « je sais que je vis ». On ne dit pas « je connais que je vis ». Le savoir, c'est instantané. Et l'être humain, quand il arrive à cette étape-là, il est capable de savoir. Et là, si tu lui amènes une aberration événementielle, il y a tel, par exemple, tu vois en Haïti, tout le monde parle de Jésus, tout le monde se tire dessus, une aberration événementielle, l'être qui est suffisamment centré va immédiatement être capable d'être imbibé par toute la problématique. Il va être capable de voir tout ce que les gens vivent, tout ce que les gens mentalisent à travers ce qu'ils ont vécu ou spiritualisent, ils vont être capables de se rendre compte qu'au-dehors de ça, il y a toute une autre mécanique qui fait en sorte que cette mécanique-là n'est pas une mécanique à privilégier du point de vue de la recherche d'explication. L'être nouveau est donc de plus en plus en contact avec une source. Puis quand il commence à être en contact avec cette source-là, il ne se demande pas si c'est Dieu parce qu'il est rendu au-dehors de l'appellation de sa source. Tant que l'être humain pense être en contact avec Dieu, la source est piratée, parce que la source veut absolument une source qui se présente à l'homme est toujours une source qui a de l'ego. Il faut qu'elle s'identifie, il faut qu'elle se nourrisse. Elle a besoin de s'identifier pour que tu saches que c'est elle. Un peu comme, hey, c'est moi qui ai fait ça. Bon. Une source qui a besoin de s'identifier, je suis le grand maître, Jarkul, je suis. Une source qui a besoin de s'identifier est une source qui a de l'ego. Et nécessairement, quelle que soit la source, quelle que soit l'ampleur énergétique. Quand les Espagnols sont arrivés en Amérique, les Incas les ont reçus. Les Incas attendaient des dieux blancs qui devaient venir chevauchant des animaux fabuleux. Ils sont arrivés avec des chevaux. Alors, c'était des dieux. Parce que c'est impressionnant, on accroche. Puis, à un moment donné, bien, tant qu'accrocher, on se fait accrocher. Lorsque l'être humain arrive à toucher cette source-là, non seulement elle ne se nomme pas, mais en plus, progressivement, l'individu se rend compte que c'est lui qui parle. Mais l'individu est capable de faire la différence entre le lui humain, planétaire, comme le Nazaréen a fait à un moment donné, il était Jésus, il était Christ, la religion parle de Jésus-Christ, donc l'alliance entre les deux, où tu es capable d'être totalement en contact avec une source qui non seulement te nourrit, pas émotivement, elle te nourrit énergétiquement, et ça te permet de t'amuser, de rire, d'écouter des films, de rester totalement branché sur la planète Terre, tout évidemment en ayant des informations, en voyant des choses qui, si tu ne serais pas branché, te rendraient extrêmement malheureux. Alors, l'être humain qui rejoint sa source est capable d'être un homme d'affaires, totalement branché aux phénomènes supramentaux, aux phénomènes bouddhiques, aux phénomènes divins, dans le sens intentionnalité, et ça ne l'amènera pas nécessairement à gagner à la loterie, à faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que la source lui amène une information qui fait en sorte que l'humain subitement commence à être au-delà des principes bas matériels. Puis quand je dis bas, c'est pas dans le sens ville, c'est dans le sens bonne énergie. Bon. Alors là, l'humain commence à être en contact avec ce que les autres vont appeler Dieu. Mais lui, il ne peut pas dire « je suis en contact avec Dieu », sinon il va dire « bon, je suis en contact avec Dieu, parfait, je suis Dieu ». Ça veut dire que ce que l'homme n'est pas capable de supporter lui-même, de son propre poids, il fait partager avec Dieu, ça disons, il avec... Il ne peut pas partager, il donne tout. Ce qui n'est pas capable de supporter lui-même, il transfère parce que c'est commode, c'est simplement une question de balance. Si tu en supportes plus, tu t'écrases, donc tu en passes à côté, puis tu te crées un Dieu à ce moment-là. Les dieux, il y en a en masse dans le monde astral, c'est des entités qui possèdent l'humain, qui portent les noms de ce qu'on peut leur donner. J'étais jeune quand j'avais lu un texte, une personne qui disait « J'ai demandé à Dieu la richesse et il m'a donné la pauvreté afin que j'apprenne à aimer mes frères, afin que j'apprenne à recevoir d'autrui. J'ai demandé à Dieu la santé et j'ai eu la maladie afin d'apprendre l'humilité. J'ai demandé à Dieu d'avoir des enfants et j'ai eu la stérilité afin d'apprendre à aimer les enfants des autres. J'ai demandé à Dieu, sacre bleu! » Mandibulgué. Il demande qu'à un moment donné, il demande la pauvreté. Mais qu'il te laisse tranquille. Daniel, le Nazaréen enseignait qu'il ne fallait pas rien demander, mais faire la volonté du Père seulement. En passant, le Père, est-ce que c'est la source dont tu viens de décrire? Oui. Le Nazaréen, c'est un personnage intéressant. Il a dit à un moment donné, ne jugez pas parce qu'un jour vous vous jugerez. L'homme a le déformé, ne jugez pas parce qu'un jour vous serez jugé. Tu dois aimer tes ennemis comme toi-même. C'est faux. Tu aimes tes ennemis comme tu t'aimes toi-même. Et ça, c'est les paroles du Nazaréen. Bon. Lui, il a aussi rajouté d'autres choses dans le genre, il a montré à prier, puis il a terminé en disant « Amen », qui veut dire « ainsi soit-il », et ça, c'est un ordre. Qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Et jamais il l'a dit à l'humain de demander. D'ailleurs, justement, il a dit à l'humain de ne pas demander. Bon, parce que l'être humain, tout ce que vous avez besoin, il sait déjà. Il n'a pas besoin de le demander. Par contre, à un moment donné, tu dois atterrir, puis il y a une façon de le faire. Le Nazaréen a toujours ordonné. Et quand le Nazaréen, quand Jésus disait « Écoute, j'ai pas le choix », c'est Jésus qui parle. Il est relié à sa source. Mais la source ne l'a jamais abandonné. À un moment donné, quand il reste sa croix, il y a quelque chose que j'ai passé. Mais effectivement, on ne devrait jamais s'aplatir. De toute façon, la prochaine conférence, on parle du mensonge cosmique. On va voir devant quoi l'humain s'aplatit. Puis le Nazaréen a bien expliqué de jamais faire ça. Une chose avant que ta musique finisse. Là. Est-ce que la source étant le Père, est-ce que c'est la même chose que le Saint-Esprit? Oui, dans le premier échelon. Le Saint-Esprit, c'est un esprit saint, non coloré par l'astral, par l'âme de l'homme. Alors, ce que le Nazaréen donnait à ses apôtres ou à quoi il les contactait, c'est l'esprit saint. Ce qu'on appelle au Québec l'énergie supramentale. Il y a d'autres choses plus loin que le Nazaréen est allé chercher. Merci. On prend une pause à tout à l'heure.